attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Bonjour, il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus, sur campuslille.com ou sur DAB+, peu nous chaud de toute façon, et vous vous apprêtez à écouter Angle d'attaque, une émission de, proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, dont on ne le dit jamais assez, on y reviendra peut-être. Sûrement d'ailleurs, dans cette émission. Avec, pour vous servir, Florent l'informatique, réalisateur multifonction, dont la table, les horloges, le choix musicaux et les rendez-vous militants, s'il y en a. Non, il n'y en a pas aujourd'hui, et c'est l'été. Voilà, donc Didier le nouvelliste, Morgane le billettiste, Ludovic, Morgane, on l'attend d'ailleurs, Ludovic au look gramscien, comme toujours, il faudra que tu fasses un truc sur Gramsci un de ces jours, et Christian, le pilier que nous a qualifié la fin dernière. Quentin, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Après toute une saison à dire ce que nous voulons, on va passer à ce qu'on aimerait avoir. Faut pas se le cacher, l'apparition du nouveau Front populaire a été une bonne nouvelle pour nous tous autour de la table. Seulement voilà, ce n'est pas une mince affaire à faire entendre une voix minoritaire, même arrivée en tête dans les urnes, quand ce sont les institutions de la Ve République qui gèrent le tout en fait. Et je parle de Ve République et je n'oublie pas qu'il y a aussi l'Europe dans le fond du tableau qui va pas aider non plus. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce midi même. Et on a qualifié, on a appelé cette émission « L'actualité vue par angle d'attaque ». Donc ça veut dire que nous n'avons pas non plus d'invité ce midi à angle d'attaque. On va se contenter de nous, si je peux dire. Et c'est Didier qui ouvre l'émission avec un retour sur l'histoire de l'expression Front populaire et ce qu'elle a mis en mouvement. Oui, donc je vais vous parler du Front populaire, mais de l'ancien Front populaire par rapport au nouveau, et on verra qu'il y a quand même pas mal de rapprochements, de ressemblances avec ce qui se passe actuellement. Donc il faut remonter à 1932, voire 1924, pour voir le premier gouvernement de cartel, le cartel des gauches, hein, c'était sous la présidence d'Oumergue. Donc les radicaux, la SFIO et le PC s'étaient ligués, mais bon, à chaque fois les radicaux avaient basculé à droite et finalement l'alliance avait été caduque et impossible. Bon, il y a évidemment dans le fond, dans le tableau, les émeutes fascistes, des ligues fascistes et des anciens combattants de 14-18 du 6 février 1934 qui ont été quand même déterminantes dans la naissance du Front populaire. Parce qu'à la suite de ça, il y a quand même eu la journée du 7 février qui a été à l'initiative de la CGT et de la CGTU, qui a vu donc les associations, les syndicats, les partis politiques s'unir et justement la CGT a appelé à la grève générale. Donc il y a eu on a quand même pris langue entre les trois formations principales de la gauche. Bon, les radicaux étant le parti traditionnel des classes moyennes, des artisans, des commerçants. Des francs-maçons, ouais. Le PC est très inféodé à Moscou, donc pas tellement. Enfin, ils sont dans une stratégie classe contre classe, donc pas spécialement décidés à s'unir. Et la SFIO, vu du PC, la SFIO, c'est le parti social-prêtre, quoi, qui est prêt à toutes les compromissions. Donc malgré cela, il y a une grosse poussée populaire qui fait que le 14 juillet 1935, c'est une date importante, déferle de partout dans des manifestations, déjà des grèves, des rassemblements. Et là, bon, les comités de base, dont le PC est absent d'ailleurs, puisque il prend quand même ses distances avec... Bon, il y a un appel fort à l'Union qui vient de la base, un peu comme ça s'est produit, toute proportion gardée, toute chose égale aujourd'hui. Donc, à la suite de ça, bon, il y a des législatives qui sont prévues pour la fin avril et début mai 1936. Il peut y avoir donc une coalition de gauche avec donc les radicaux, la SFIO et le PC sur le thème pain liberté. Il y a un troisième triptyque. Donc sur le avec un programme qui est ambitieux socialement, mais disons que ça reste quand même, ça vise pas à bouleverser les grands équilibres, ça reste quand même des revendications sociales et aussi tout un programme de reconstruction, parce que le 36 s'inspire quand même du New Deal de Roosevelt et de ce qui s'est passé aux USA avec les grands travaux, ce qu'on a appelé, les économistes distingués le savent, l'effet multiplicateur d'investissement. Donc voilà, les élections se passent, donc le Front populaire est élu. Et le président Albert Lebrun est obligé de nommer Léon Blum donc comme président du Conseil. Il y a quand même des mesures dès la nomination du gouvernement. Il y a des grèves qui ont lieu essentiellement dans l'aéronautique, dans des secteurs industriels aussi, dans le textile. Et sous la pression, il y a les accords de Matignon qui ont lieu début juin. 1936, donc où les mesures qui sont bien connues, hein, sur la semaine de 40 heures, sur la reconnaissance du fait syndical et surtout les congés payés, hein, l'image du Front populaire, c'est quand même les 15 jours de congés payés avec ce que la bourgeoisie appelait les salopards en casquette qui peuvent partir à la mer. Donc le programme Pain, Paix et Liberté se met en place. Donc déjà il y a quand même des côté patronat, on tire un peu la gueule évidemment, mais les grèves s'amplifient. Et donc après l'automobile et le textile et l'industrie, ça va être d'autres secteurs qui vont entrer en grève. Donc des grèves qui vont durer jusqu'à l'été 1936. Donc le patronat essaye de calmer les ardeurs de Blum. Les accords de Matignon finalement sont signés avec un deal qui veut dire en gros vous arrêtez les grèves et on vous laisse dérouler votre programme. Et même Maurice Thorez, donc le puissant patron du PC, dit qu'il faut savoir arrêter une grève. Donc c'est un mot d'ordre qui restait fameux. Le Front populaire, malgré cela, continue, mais dès 1937, il y a quand même une inflation importante, il y a quand même des problèmes économiques avec un patronat qui pousse à la libération des échanges et un Front populaire qui veut en rester à l'encadrement des échanges. Donc il y a quand même une contradiction. Le PC, il est quand même à signaler, ce qui est important, c'est que le PC soutient sans participation. Et les ministres socialistes donc sont en bonne place, avec notamment des gens comme Jean Zay, comme Léo Lagrange, comme Pierre Caux, et aussi des ministres radicaux. Malheureusement, donc dès juin 1937, donc finalement l'expérience du Front populaire aura duré une bonne année. En juin 1937, il y a une première démission du gouvernement Blum, donc sous la pression des milieux d'affaires. Et le gouvernement Blum qui va revenir pour un gouvernement éphémère en février 1938, un gouvernement éphémère qui va laisser la place au gouvernement Daladier. Et on sait que il y aura des grèves importantes et des rassemblements un peu partout, mais ça sera réprimé cette fois par un gouvernement qui va revenir sur la plupart des mesures du Front populaire, et notamment sur la semaine de 40 heures. Donc à l'international, on peut voir un bilan qui est quand même mitigé de la part du Front populaire, parce que ils réussissent pas à se sortir du bourbier colonial, et notamment en 36, le Front populaire dissout l'étoile nord-algérienne, qui était un peu le mouvement de Messeli Hadj, qui a donné plus tard le MNA, le mouvement des nationalistes arabes, et aussi par rapport à la Seconde Guerre mondiale, et notamment par rapport à la guerre d'Espagne, où il n'est jamais envisagé d'intervention, même si Blum en a eu des velléités. Il y a les radicaux qui ont fait alliance avec la droite pour justement en cas d'interventionnisme en Espagne, justement, pour contrecarrer les intentions du gouvernement. Voilà, donc après, on connaît la suite, hein, le gouvernement de Hayes et les accords de Munich et le début de la Seconde Guerre mondiale. Disons que ça aurait été une parenthèse enchantée, une parenthèse heureuse dans le mouvement ouvrier, le mouvement social français, mais qui malheureusement a été de courte durée et dont la portée n'a pas pu, enfin dans le... Disons, le rayonnement n'a pas pu se développer très longtemps. Oui, alors merci Didier, c'est très, très précis ce que tu nous donnes. Moi, je vais donner une précision supplémentaire parce que j'adore ce genre de truc. Le 21 août 1938, Dalain Dié demande à la France de se remettre au travail. C'est quand même, remettre au travail, oui. On a d'ailleurs des réminiscences à ce qui se passe voilà. actuellement. C'est un peu ce que je voulais dire, en effet. Je rappelle que le président du Conseil de l'époque, c'est le Premier ministre. Et le président de la République, Albert Lebrun, a beaucoup moins de pouvoir que le président de la République, de la Ve République. Voilà, on est très embêtés parce qu'on va avoir on attend, le voilà, ça va être compliqué. Arrive notre ami Morgane. On va passer un peu de temps sur ce qu'on appelle la séquence électorale. Et c'est justement Ludovic qui est le plus proche de assis à côté de Morgane. Voilà, on va s'arranger. Ludovic, c'est à toi de nous parler de ce que tu as appelé toi-même la séquence électorale. Oui, cette séquence un peu folle et qui n'est pas terminée. Il y a un troisième tour, et peut-être qu'il y aura encore un quatrième tour, un cinquième tour, on a l'impression que ça n'en finit pas. Donc quelques rappels des faits. Donc les résultats du second tour des élections législatives ont débouché, donc pour la deuxième fois consécutive, sur une situation où aucune des forces en présence n'a de majorité absolue. On parle des élections européennes, quand même. Les élections européennes, oui, effectivement. Élections européennes, où effectivement, la Macronisme a pris une petite... La Macronie a pris une petite déculottée, 14%. Je crois, et puis un Front National qui a fait 33, voilà. Donc pour revenir sur la séquence plutôt nationale, donc la première surprise, donc c'est effectivement la défaite du FN et le fait que le NFP est arrivé en tête avec 182 députés, donc contre Ensemble qui a engrangé 168 élus. Qui est passé de 246 en 2022 à 168 élus, donc c'est quand même une belle claque. Et le RN, donc, qui a été troisième avec ses alliés ciotistes, qui a fait 143 députés. Donc le NFP a réussi à faire élire 40 députés de plus que la NUPES. France Insoumise, 74 élus, donc qui est le premier groupe dans ce cartel des gauches, suivi des socialistes avec 59 députés, les écologistes 28 et les élus du PSC 9, qui ne peuvent donc pas constituer un groupe parlementaire. En 2022, les insoumis dominaient avec environ la moitié des députés de la NUPES. Ils n'ont pas étendu leur pouvoir au sein de ce bloc, alors que les socialistes doublent leur effectif et que les écologistes progressent un peu à la faveur de cette séquence. Donc au soir du dimanche 30 juin, le RN et ses alliés avaient déjà fait élire 39 députés, était en tête dans 258 circonscriptions, d'où le danger. Et donc c'est grâce au désistement, qui ont réduit le nombre de triangulaires de 306 à 89, que l'extrême droite termine très loin de la majorité absolue. Mais un bloc de 243 députés, c'est quand même un niveau totalement inédit en France. Donc le RN a réussi à faire élire 80 de ses députés sortants, avec à la clé aussi, on l'a pas assez dit, mais le fait qu'il va booster ses finances, puisque effectivement chaque député va rapporter beaucoup d'argent. Quoi d'autre que donc la majorité, donc le barrage républicain a fonctionné, un barrage républicain qui donc s'est révélé très large, hein, bien plus que ce qui a été passé dans les duels impliquant le Rassemblement national aux législatives de 2022. Et donc de manière étonnante, parce qu'effectivement, au vu de deux années passées où on a eu des discours très sur le RN qui ont normalisé le RN et diabolisé la gauche, malgré tout, le RN ne fait que troisième et le Front républicain a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, la participation électorale en atteste, 66%. Voilà, donc le RN s'est retrouvé en troisième position et... n'a pas été capable de gagner la plupart des duels auxquels il était confronté. Sur le NFP, rapidement, donc le NFP a dominé donc ses duels contre le RN, mais de manière beaucoup moins écrasante, en les gagnant dans près de 6 cas sur 10. Contre la majorité sortante, l'Union des Gauches a emporté moins d'un tiers des confrontations. Elle partait cependant d'un niveau global plus élevé que les macronistes, si bien qu'elle a augmenté son poids à l'Assemblée d'une quarantaine de sièges. Ces progrès ont correspondu à ce qu'elle pouvait raisonnablement espérer, la surprise venant effectivement du fait qu'elle est arrivée en tête, ce qui n'était pas du tout prévu. Et donc depuis l'élection de Macron, si on reste sur la gauche depuis 2017, on peut remarquer que les gauches ont singulièrement renforcé leur présence à l'Assemblée nationale, puisque leurs effectifs sont passés de 73 à 196 députés, toutes nuances confondues. On peut penser qu'il y a trois facteurs. Les effets du mode de scrutin, d'une part, le déclin macroniste depuis 2017, et surtout depuis 2024, et la stratégie, bien sûr, d'union de la gauche, qui a quand même été payante, qui permet d'expliquer l'amélioration de la part des sièges. Mais toutefois, ils n'ont pas eu la majorité absolue, et ils ont une majorité relative qui est quand même très peu confortable. Donc la difficulté des gauches à élargir numériquement, sociologiquement et géographiquement leur emprise électorale collective les prive toutefois d'une avance assez nette pour exercer le pouvoir sans difficulté, d'où les tractations et d'où le fait qu'on en est là, que c'est un peu le flottement depuis quelques jours, parce qu'on n'a toujours pas de Premier ministre et on n'a toujours pas de nom pour un Premier ministre à gauche, et que par ailleurs la Macronie est en train de œuvrer pour essayer de faire en sorte que tout simplement montrer que finalement il n'y a pas eu d'élection et que, pour reprendre la fameuse formule de Lampedusa, que tout changer pour ne rien changer. Alors, moi, plusieurs commentaires là-dessus. Je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres, j'ai l'impression. Enfin, bon, quelques d'après, moi, j'ai compté sur les quatre composantes de la NFP, du nouveau Front Populaire. J'ai toujours là, mais c'est le nouveau Front Populaire, le NFP, donc. J'ai compté 72 pour LFI, la gauche démocratique et républicaine 17, les écologistes et 38 et les socialistes 66. Enfin, bref, 193 de toute façon, contre 172 en face de l'autre côté, avec la droite, non compris le à droite, qui d'Éric Ciotti, merci, qui a rejoint donc le RN. Alors c'est intéressant, bon, ce que tu dis, évidemment. Je voudrais dire simplement quelques petits chiffres que sur l'Assemblée nationale. On a perdu en pourcentage de femmes, 208 contre 217 en 2022. Et la moyenne d'âge, par contre, ne change pas beaucoup. On est autour de 49 ans, alors que effectivement, c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à la moyenne d'âge des Français. Bon, je passe là-dessus. Effectivement, c'est forcément difficile de choisir un Premier ministre. Il y a effectivement des blocages nécessaires, habituels, quoi. Les propositions qui ont été faites, qui me semblaient à moi effectivement tout à fait correctes, de Duguet Bello, qui a été refusé un peu vivement par le Parti Socialiste, n'était pas sans poser de problème, quoi, pour la suite, donc plus qu'on mettait Olivier Faure en tête. Donc les problèmes restent de toute façon. Le refus de la candidate ensuite de la société civile, je dirais, et pour cause, quelqu'un me rappelle son nom ? Laurence Toubiana. Oui, voilà. Qui, effectivement, a été quand même à la manœuvre pour la Convention citoyenne à la demande de Macron. Mm. Bon, c'est certainement une femme très compétente, bureau de fonctionnaire, je dirais à la française, donc avec toutes les qualités qu'elles peuvent avoir. Donc, mais elle penche quand même d'un côté assez, assez net, quoi. Voilà. Donc, on s'est rabattu sur l'Assemblée nationale, puisque c'est un peu la position qu'a eue la LFI. On n'a pas de Premier ministre mais on peut toujours s'arranger pour avoir l'Assemblée. Ben, ça n'a pas marché quand même, par des tractations un peu bizarres. Moi, je vois que là, donc, l'ancienne présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a fait 124 voix au premier tour. D'ailleurs, qui ne correspond pas du tout à la somme des gens qui seraient en principe pour elle. Donc, je le rappelle, l'Horizon et le Modem, qui s'appelle Démocratie pour le coup, avec ses 36 voix, donc pas du tout, pas ensemble, en tout cas, voter pour elle. Au deuxième tour, ça s'arrange bien mieux pour elle, puisqu'elle a 210 voix. Alors que Chassaigne, donc, qui représente le Front populaire, est à 202 voix, donc il a récolté quelques voix aussi de je ne sais pas où d'ailleurs, parce que le bulletin de vote est secret. Alors apparemment, il parlait des ultramarins, qui s'avaient récupéré des voix de la Corse, et de quelques-uns du groupe Liot, mais en fait, voilà, au moment du troisième tour, c'était la grande inconnue. D'après, je ne sais pas si c'est André Chassaigne lui-même ou d'autres, je crois que c'est André Chassaigne, le nouveau groupe Liot penche quand même plus à droite en fait. D'accord. Ouais. Ok. Donc, ça finit par 220 et 207, et toujours les 140 voix à une voix près du Sébastien Chenu qui s'est toujours présenté. Je rappelle, pour la petite histoire, n'importe quel député peut se présenter à la présidence. Il n'a pas besoin d'être chaperonné par son parti. Voilà donc ce que je voulais dire. Je précise quand même que à 72, la LFI passait de 75 à 72, mais on a perdu, si je peux dire, un certain nombre de personnes personnalités qui sont parties donc chez les écologistes, sociaux et écologistes. Donc les purgés. Dire comme ça. De Cyrielle Chatelain, qui est le leader des écologistes écologie et sociale. Donc on y retrouve évidemment Clémentine Autain, Daniel Simonet, François Ruffin, Alexis Corbière et Hendrik Davy. Il se prénomme même insurgé, du coup, insoumis insurgé. Mais on peut voir quand même que, à la lumière de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, on voit bien que les macronistes et les républicains sont faits pour s'entendre et que de toute façon, il n'y aura pas de cadeau fait à la gauche. Donc, on parle d'enjamber la période des Jeux Olympiques. Donc maintenant, enfin, je pose la question à Ludovic, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on va vers une coalition Il peut y avoir, effectivement, il y a plusieurs scénarios. Il peut y avoir une coalition avec un... C'est peut-être de rassembler plus de 50% des députés derrière un nom de Premier ministre. Il y a un contrat de gouvernement, mais pour l'instant, ça semble, en tout cas, comme on retrouve ça en Allemagne, en Italie, mais ça me semble assez peu probable. Il y a la possibilité éventuellement d'un gouvernement minoritaire, mais qui serait éventuellement, qui aurait de fortes chances d'être balayé, notamment à la faveur du vote du budget. Oui. Et puis, le scénario d'un gouvernement entre guillemets technique. Alors, technique, ça ne veut pas dire grand-chose. Technique, c'est des affaires courantes ou c'est plus... Ouais, des ministres qui seraient sans affiliation partisane, mais alors bon, pour gérer les affaires courantes, c'est ça. Des hauts fonctionnaires, a priori, des hauts fonctionnaires. Une configuration comme il y a eu en Italie, justement, qui a connu plusieurs années où il y a eu un gouvernement, c'était pas. Comment il s'appelait le. Il y a eu Draghi et il y a eu. Il y a eu Draghi, oui, c'est ça. Ah bon. Oui. Donc, voilà, trois scénarios. Et puis le vote de Yaël Braun-Pivet peut éventuellement donner. Peut donner une justification à Macron de dire, regardez, la présidente de l'Assemblée nationale étant macroniste, logique, je choisis de nommer une première ministre ou un premier ministre de mon camp ou de la droite, puisqu'ils ont fait André Chassaigne disait que le courrier de Macron en français, pour Macron, en fait, c'était les élections internes à l'Assemblée nationale qui allaient déterminer pour lui la couleur politique du gouvernement. Bon, ce qui est... Donc pour lui c'est mort, oui. Voilà. Oui. Ouais. J'aurais quand même signalé que pour l'élection de la présidente, il y a eu ce petit phénomène assez curieux, c'est que les ministres ont démissionné, le Premier ministre a démissionné pour pouvoir être député. Et les ministres aussi ont démissionné pour pouvoir être députés. Et donc, ça faisait 17 personnes qui ont voté, effectivement, comme députés, et qui vont reprendre leur place de ministre dès lundi, je crois, d'ailleurs. Je rappelle aussi, c'est pas rien non plus, que, bon, alors, donc, cette règle, manque de bol, elle a fait jurisprudence depuis un bon moment, mais on peut, effectivement, démissionner la veille d'un vote, et se retrouver ministre le surlendemain du vote. C'est exactement ce qui va se passer. En dehors de ces arrangements, ça pose quand même la question de la séparation des pouvoirs. C'est... Alors ça pose sérieusement la séparation des pouvoirs. En plus, ça s'est joué à 13 députés, il y a eu ça, 13 députés d'écart. Ouais, le 13 députés, 13 voix d'écart. Si t'enlèves les 17 là, qu'on votait, là, tu peux... voix d'écart, oui, en effet. Ça pouvait rebattre les cartes. Voilà, donc, effectivement, les affaires courantes, c'est de la foutaise, parce que les affaires courantes, c'est de la foutaise, c'est-à-dire, parce que c'est la poursuite de c'est la fin des choses qui étaient faites, qui étaient prévues avant. Donc, on est vraiment dans l'impolitique de Macron, et puis c'est tout. J'ajoute aussi que... le Premier ministre s'emmerde pas parce que c'est lui le leader de comment ça s'appelle, Ensemble pour la République, je crois, de mémoire, oui, Ensemble pour la République. C'est Attal qui a pris la position de leader. Donc effectivement, ça conjugue encore plus, ça mêle encore plus le politique et l'exécutif et le législatif. Tout changer pour ne rien changer, disait la... Ouais, c'est exactement aussi. Le guépard. Voilà, Lampedusa. Le guépard. Voilà, Lampedusa. C'est pas seulement une île, c'est aussi un film. Bien. Alors, le nouveau Fonds populaire en tête, c'est pas rien, puisqu'il a proposé un programme complètement cinglé, que je ne trouve plus, mais que je vais retrouver assez vite, voilà. C'est-à-dire, donc, de reconstruire les protections sociales, de lutter contre les discriminations, de mettre en place des plans d'action face au dérèglement climatique, de défendre les libertés publiques, tout ça est bien sûr inacceptable, taxer plus fortement les riches, même revenir, rendez-vous compte, à l'impôt sur la fortune. Alors, le coût le plus important de cette opération, quand je retrouverai mes papiers, ça ira plus vite, c'est effectivement la fameuse, le fameux SMIC à 2600 euros. 1600. À 1600 euros. Oui, on est en dessous. Hein. C'est pas possible. Le SMIC à, donc, à 1600 euros. Donc, ce qui fait une hausse de 14,4% de mémoire. Alors, je voudrais dire quand même que le SMIC en question, il y a quelque chose qui sont intéressantes de savoir là-dessus. C'est que un économiste dont je vais reparler tout de suite, qui s'appelle Pierre Consaldi, a calculé en 2022 que le salaire pour un minimum de vie décent devait être à 1634 euros. Ça, c'était les chiffres de 2022 calculés par Pierre Consaldi, qu'il a calculé effectivement pour quelque chose de plus régulier dans le mode de fonctionnement de la famille, 3774 euros pour un couple avec deux enfants. C'est encore des chiffres de 2022. Alors, toujours sur 1600 euros, entre janvier 2014 et janvier 2024, la France est le pays où la hausse des salaires minimum a été la plus faible de tous les pays européens. Aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, le coût de la main-d'œuvre pour un salarié au salaire minimum, j'entends, est supérieur de plus de 20% au coût français. Et cet écart est d'environ 30% avec la Belgique. Et je ne parle pas... avec la Belgique, l'Irlande et l'Allemagne, et je ne parle pas de l'Espagne, où c'est beaucoup plus que ça. C'est autour de 70%. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose qu'il faut en tête. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est le salaire minimum en France, il n'est pas si élevé que ça. Et quand on dit à 1600, on est en dessous des chiffres de 2022 de Pierre Consaldi. Je reviens sur le travail de Pierre Consaldi. Il fait une étude tout à fait étonnante, et il dit ceci. Dans la deuxième partie de son étude, cette analyse montre qu'une augmentation du SMIC de 15% se traduit par une hausse des salaires bruts, mais s'accompagne simultanément d'une baisse des cotisations patronales de sécurité sociale pour une majorité de salariés. Ce deuxième effet l'emporte sur le premier, si bien que, que l'on observe d'un point de vue macroéconomique une baisse des coûts de moyens de la main-d'œuvre en France, avec une hausse du SMIC à 1 600 euros. C'est quand même pas négligeable comme, information. C'est la thèse de Thomas Coutreau, d'ailleurs. C'est Thomas Couton qui s'impose de lui, effectivement. Ce résultat, qui peut paraître paradoxal, souligne-t-il, tient à la spécificité du barème des cotisations sociales patronales, qui, entre parenthèses, ont baissé de 19,4% en 1983 à 14,2% en 2022. Donc, je reviens, ce résultat qui peut paraître paradoxal tient à la spécificité du barème des cotisations sociales patronales et se vérifie même si l'on tient compte des effets d'entraînement à moyen terme d'une hausse du SMIC sur l'échelle des salaires. Voilà. Et ce calcul fait sur des micro-entreprises montre que l'impact sur la masse salariale des entreprises n'est pas énorme. Alors, je précise qu'on avait déjà dit à Attac que ce n'était pas un problème, cette augmentation du SMIC. Je crois qu'on va continuer dans cette voie-là. Bien. Comment vote-t-on mon cher Didier? Comment vote-t-on? Donc, ce qui m'a intéressé, c'est aussi la question des coalitions. Hein. Oui. On a parlé donc des coalitions, Ludovic en a parlé, mais bon, les coalitions qui se passent au niveau dans toute l'Europe. Coalition, comme son nom l'indique, c'est un groupement stratégique de forces politiques pour obtenir une majorité. Donc, on a. Disons qu'en France, c'est pas la tradition. Ça date de la Révolution française et des clivages importants entre la gauche et la droite. Mais on a ce qu'on a appelé en Allemagne la grosse coalition. Donc, c'est toutes les forces politiques, en gros, qui se coalisent pour former un gouvernement majoritaire. Bon, sauf que maintenant, la CDU d'Angela Merkel et de ses suivants n'est plus dedans. Bon, on a la coalition Vivaldi, dite des quatre saisons en Belgique. Hein. Donc, c'est-à-dire les Verts, les libéraux, les démocrates chrétiens et les socialistes. Bon, on a aussi. En Italie, il n'y a pas besoin de coalition parce que c'est un gouvernement d'extrême droite, mais sauf qu'ils ont mis au poste stratégique, au poste de l'économie, un dénommé Giancarlo Giorgetti, qui est justement là pour rassurer les marchés et l'Union européenne. Hein. Et d'ailleurs, von der Leyen et Giorgia Meloni sont les meilleurs amis du monde. Ce qui tente à prouver que le libéralisme s'accommode très bien le fascisme peut très bien s'accommoder du libéralisme. Alors, au Portugal, on a une coalition avec le PSD qui a réussi à trouver quelques partenaires pour en refusant l'alliance avec l'extrême droite, le parti Chega, qui montrait justement le bout de son nez. Et là aussi, c'est un gros problème parce que l'extrême droite est présente partout en Europe. Hein. Donc les coalitions entre droite et extrême droite sont fréquentes. Hein, c'est le cas de la Finlande, par exemple. La Finlande, qui est réputée pour son système éducatif, pour c'était considéré comme une espèce de phare de la démocratie, oui. La Suède, bon, qui était un ancien paradis social démocrate. Les Pays-Bas, qui étaient justement réputés pour leur État-providence. La Slovaquie, bon, ça c'est plus, disons. C'est moins un phare de la démocratie, mais bon, il y a aussi des pays où elle n'a pas besoin de coalition, comme malheureusement la Hongrie de Orban et l'Italie de Meloni. Il y a aussi le cas de l'Angleterre, donc, où bon, là, il y a une victoire très nette des travaillistes, mais bon, les travaillistes qui sont quand même pas spécialement à gauche sur l'échiquier politique. Et il y a toujours le parti de Nigel Farage, UKIP, qui est toujours là pour, en embuscade, disons, pour essayer de grappiller ce qui peut l'être. Voilà, donc en France, une large coalition allant des sociaux-démocrates aux républicains est envisagée par le pouvoir, mais rester en place, mais on le répète, les coalitions de régime de la 5e République qui prévoient un gouvernement présidentiel soutenu par un parti majoritaire avec des députés godillots, on n'a pas ce cas de figure. Maintenant, pour répondre à la question la question de Christian sur comment les gens votent, bon, faut savoir qu'il y a quand même une théorie, justement, qui a été amenée par Thomas Coutreau et pas mal d'observateurs du monde du travail, qui dit que les gens dont les conditions de travail sont les plus pourries et qui ont le moins d'autonomie au travail votent le plus facilement pour des partis extrémistes, disons, pour le Rassemblement National. Et ça, c'est une constante. Donc, c'est aussi... La question des médias, comme la question du travail, comme d'autres questions, doivent être quand même prises en compte dans les espoirs mis dans la coalition de gauche. Qu'on retrouve aussi aux États-Unis d'ailleurs, le vote Trump. Ouais. Les Trumpistes, par exemple, bon, c'est exactement le même cas de figure, enfin, sauf que là, on a carrément Ubu au pouvoir, hein, c'est encore... Un cas de figure différent, mais enfin et qui le sera probablement bientôt, malheureusement. Avec l'oreille cassée, oui. Ouais, et Ludovic Oui, alors sur le... On a oublié, là, je l'avais un peu dit, qu'effectivement que le RN a quand même fait un très bon score, parce que si on regarde en termes de voix, il a fait 10 millions de voix, alors que le NFP, si je ne me trompe pas, a fait 7 millions. Donc là, ça pose la question de la proportionnelle. S'il y avait une proportionnelle, peut-être qu'effectivement, on n'aurait pas les débats qu'on aurait, parce qu'effectivement, Bardella serait Premier ministre. Donc oui, il ne faut pas l'oublier, le RN a fait un très très bon score, il s'implante partout. Plus de 50 voix, plus de 50 sièges. Dans le Nord, il a fait un carton, à part la métropole lilloise. Une quinzaine d'élus au premier tour. 12 circonscriptions du Pas-de-Calais, ouais, effectivement, qui ont été élus au premier tour. Ouais. Et puis partout dans le sud, dans le Vaucluse, etc. Et des millionnaires apparemment qui veulent, là on a appris par l'Humanité que un certain Pierre-Édouard Sterrin veut, un milliardaire néo-conservateur prévoit 150 millions d'euros dans des think tanks conservateurs et signale un projet commun avec l'état-major du RN visant, je cite, à gagner 300 villes aux municipales. Ça fait la une de l'Humanité de ce matin. Le vendredi. De vendredi, voilà. C'est celui qui a voulu racheter Marianne, qui n'a pas réussi. Voilà, donc là, encore une fois, outre Bolloré, on a aussi cet individu. Donc, effectivement, l'alliance du capital et du fascisme. Oui, alors, effectivement, sur le score du RN, puisqu'on y revient là, tout de suite, moi, j'avais lu un article, je crois que c'est dans le Canard enchaîné, où plusieurs journalistes du Canard enchaîné se sont répartis les villes de campagne pour savoir qui vote quoi. Et donc la campagne, on a bien vu que les ruraux, si je peux le dire comme ça, votent plutôt Rassemblement National. Et je me souviens d'un entretien avec le maire d'un village qui disait, mais ça on l'a déjà observé depuis un bon moment, il dit, il n'y a pas du tout d'immigration dans notre village, mais surtout, il n'y a pas du tout de violence. Et la seule violence que les gens voient, c'est la télévision. C'est la télévision. Et donc ça, c'est un véritable problème. Et je crois qu'on est aussi dans cette situation où, le poids des médias devient considérable pour les élections, pour orienter les gens. Les gens. Ça marche pas toujours, je veux dire, la preuve, ça marche pas toujours parce que il semble effectivement que la crainte du Rassemblement National ait resserré un certain nombre de rangs et pas mal d'abstentionnistes se sont mis à voter pour le Rassemblement, pour le Nouveau Front Populaire, et ce qui change effectivement la donne, je trouve. Bien, et qui le place en tête, en l'occurrence, pour... le Rassemblement est en tête pour ces élections-là, enfin au deuxième tour. Donc, on n'a pas de Premier ministre, c'est toujours la réalité concrète, mais... on a fait bouger les choses. Le problème, c'est de maintenir cette pression. Je voulais dire autre chose, mais ça m'a échappé. Oui, donc, effectivement, à attaque, puisqu'il est question d'attaque aussi, à attaque, on va se focaliser notamment sur la télévision de Bolloré, sur les chaînes de Bolloré. Et puis, on peut même soutenir en sous-main le média qui s'est présenté à l'ARCOM sur donc la TNT. Il faut savoir que l'enjeu, c'est d'être sur la TNT, c'est-à-dire un service public gratuit, dont bénéficient des chaînes comme CNews, des chaînes comme BFM, etc. Et même, c'est intéressant de savoir que France Info est sur le canal 27, alors que les autres sont 13 et 14, sont aux chaînes, 15 et 16. S'ils étaient dans ce trio-là, on aurait certainement une autre vision, même si je n'ai pas une préférence folle pour France Info, hein, faut pas exagérer. Mmh. Didier. Mais bon, sur les médias, tu as raison de le dire, parce que c'est quand même la droite qui mène le récit, depuis... L'extrême droite. Côté nous, côté attaque, on a aussi une responsabilité, on a soutenu le nouveau Front Populaire et on continuera à le faire. Enfin, je crois qu'il y a un appel qui a été lancé au niveau de Copernic, de l'association Copernic, qui est très proche de nous, pour justement faire vivre le nouveau Front Populaire, localement. Donc je crois que c'est aussi notre responsabilité de continuer cette lutte. On va en parler après la pause, effectivement. On va attaquer peut-être la question de la pause musicale. Il suffit d'une dissolution, c'est tout de suite l'aventure. Bardella, proche de Matignon, et la gauche oublie ses fractures. Hier encore, on s'insultait sévère. Toi, t'es qu'un affreux populiste, social traître, vendu, va-t'en guerre. Y'avait autant de partis que de listes, mais depuis que Macron a dissous, v'là dis pas que Carole Delga fait des gros poutous à poutous. Et Hollande, c'est Che Guevara. Il suffit d'une dissolution, et la droite est en déconfiture. Bardella, proche de Matignon, les digues à LR se fissurent. Hier encore, Ciotti clamait fort: jamais je m'allierai au RN, je le jure à la vie, à la mort. Vive les valeurs républicaines. Depuis que Macron a dissous, pour rester député, Vlaqueric a fait à Marine les yeux doux. Il y a l'honneur et il y a l'arithmétique. Il suffit d'une dissolution décidée par un homme immature et sans aucune concertation, pour nous envoyer droit dans le mur. L'herbe est brune dans la France meurtrie. Votons Guilleret, Guillerette. Fichtre, quel périlleux pari. Le pouvoir fait perdre la tête. Lui qui s'érigeait en rempart. Vous verrez, ça va ruisseler. 7 ans d'appauvrissement plus tard, la start-up nation a coulé. On aura que nos yeux pour pleurer. Si ce qui paraissait impensable il y a encore quelques années devient une réalité palpable. Il suffit d'une dissolution pour changer le cours de l'histoire. Il suffit aussi d'un sursaut, espérons qu'il soit pas trop tard. C'était « Il suffit d'une dissolution ». Les goguettes. On reprend notre discussion. On reprend notre discussion. Aujourd'hui, on n'a pas d'actu d'attaque parce que attaque est dans l'actu. Voilà, on va dire comme ça. Didier en a dit un mot. La question des coalitions est une question fort importante et qui doit chatouiller quelques-uns des élus. Aujourd'hui, je pense à ceux qui disent les macronistes de gauche, enfin cette expression me semble impossible, mais enfin bon, des macronistes de gauche tentent très bien quelque chose avec les socialistes, voilà. Ils auraient peut-être un peu plus de mal avec les écologistes, encore que, les écologistes ont quand même parmi eux des gens extrêmement radicaux, bien plus radicaux que la LFI d'ailleurs, mais des gens aussi modérés. Ah oui, je crois vraiment. Je vois que Ludovic tique, mais je pense qu'il y a quand même des gens extrêmement radicaux chez les... Alors, chez les écologistes. Donc, est-ce que c'est possible ? Le problème, c'est que tout le monde nous dit, et puis vous, Didier l'a parfois bien écrit, ça existe en Allemagne, ça existe en Italie, ça existe ailleurs, en Belgique aussi, mais est-ce que c'est possible en France ? Alors, évidemment, tout est possible. Tout est possible, mais c'est très compliqué pour les députés qui voteraient dans ce sens-là. Dans la mesure où on est dans un système de la Ve République. Et donc, les gens qui sont les députés sont baignés dans un clivage droite-gauche dont il faut obtenir la majorité pour pouvoir gouverner. Et donc, ça signifie, dans l'hypothèse d'avoir effectivement des alliances, qu'on appelle, l'expression contre-nature a été 10 fois prononcée là, entre des gens, on va dire, du Parti Socialiste, à supposer que le LFI reste en bloc et sur le Nouveau Front Populaire et le programme du Nouveau Front Populaire, on supposerait que des accointances, plus que ça d'ailleurs, des alliances, des coalitions se fassent au centre, avec une partie du Parti Socialiste. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là ? C'est ça. Et on se trouverait dans un gouvernement qu'on a déjà connu et qui ferait une coalition centrale, on va dire de centristes. À tous les coups, cette coalition perdrait les élections suivantes. Et ce serait la porte ouverte au RN, de toute façon. Et donc, on ne peut pas reprocher aujourd'hui la difficulté de se décider dans le Nouveau Front Populaire pour un Premier ministre sans avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'il ne faut céder en rien. Je pense que ce qu'avait dit Olivier Faure à la fin du deuxième tour, on appliquera le Nouveau Front Populaire, bah, qu'il l'applique. Qu'il l'applique et qu'il laisse aussi la place à d'autres personnes que lui. Et je dis la même chose pour LFI. C'est pas forcément quelqu'un de LFI. D'ailleurs, je rappelle que les élections européennes, j'aurais bien aimé que tu dises un mot de plus, Ludovic, aux élections européennes, la LFI avait proposé une tête de liste écolo. Hein, tout ça pour partir diviser et faire un score minable par rapport à ce qu'ils avaient connu, les écolos. Donc on a quand même un problème là qu'il faut résoudre, c'est-à-dire essayer de maintenir pour nous la situation, le Nouveau Front Populaire, avec son programme économique, qui, quoi qu'en disent les marchés financiers, ou les supporters des marchés financiers, tient la route. Un programme qui est chiffré. Et raisonnable, en plus. Avec une question des ressources, enfin des recettes, voilà. Ce qu'en conclut de tout ça, avec non sans humour, Paul Magnette, c'est qu'on est en train de demander à des footballeurs de jouer sur un terrain de rugby avec un ballon ovale. Et les règles du ballon du rugby, ça ne marche pas. Et donc, effectivement, on s'en prend à quoi ? Il s'en prend à quoi ? Il s'en prend à la République et les institutions de la Ve République. Donc il faudrait que peut-être Morgan nous dise un mot sur la Sixième République, puisqu'il en était question. Oui, alors, bon. Donc là, on parle de changement de régime très clairement, en fait. Bon, là, par exemple, là, on est dans la Ve République qui a été fondée donc sur un contexte à la fois de guerre civile, enfin de guerre civile qui couvre, donc ce qui explique un petit peu les façons autoritaires et verticales de gérer, et aussi sur un modèle avec une société qui se reconstruit. Donc avec un modèle de croissance qui peut alimenter les différentes politiques, sauf que bon bah là la croissance c'est justement quelque chose qui s'essouffle et qui peut poser problème dans un contexte de réchauffement climatique qui va arriver et qui va bien nous forcer à changer de mode de vie si on veut survivre. Bon, problème quand on parle de changement de régime, bah ça peut être vouloir renoncer au pouvoir quand on vient de le conquérir en fait. Donc voilà, est-ce qu'on applique le programme pour lequel on a été élu avec le SMIC à 1 500 euros des garanties sociales, etc. Ou bien est-ce qu'on cherche à changer de régime ? Ou bien est-ce que les deux sont compatibles ? C'est-à-dire on lance les débats pour que l'Assemblée nationale s'écharpe autour de la question du SMIC à 1600 euros et on lance petit à petit derrière la procédure. Alors, comment ça peut se passer ? Donc on peut s'appuyer sur l'article 11 de la Constitution et lancer ce qu'on appelle une assemblée constituante. Voilà, oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'assemblée constituante ? Donc, c'est ou bien des citoyens élus ou tirés au sort ou les deux. Jean-Luc Mélenchon parle de, en gros, on fait voter les citoyens selon ceux qu'ils veulent. S'il y a, et en proportion de qui vote quoi, on choisit la proportion à l'Assemblée nationale. Par exemple, s'il y a 20% des gens qui veulent des gens tirés au sort, on prend 20% de tirés au sort. Bon. Selon les personnes qui vont former la constituante, donc derrière, il faut forcément une formation. Donc on peut penser à un modèle qui colle avec les conventions citoyennes, en fait, donc qui voit des constitutionnalistes, des juristes, des historiens, etc., pour être experts sur la question. On pose la question du nombre de personnes pour la constituante. On a Clément Viktorovitch, par exemple, qui parle de 925, comme la tâche semble assez lourde et ardue. Donc voilà. Pendant le travail, on va dire, de rédaction, on pourrait penser à une communication claire et de ce qui se décide vis-à-vis des concitoyens et derrière un système de remontée de commentaires, d'idées et de modération. Et à la fin du processus, en fait, on soumet la nouvelle constitution à référendum. Et dans ce cas-là, ou bien on passe à la sixième, ou bien on reste dans notre bonne vieille cinquième république autoritaire et croulante. Donc derrière, quel changement à prévoir ? Donc on peut penser à, en fait, de renforcer certains organes qui peuvent être bien utiles, notamment le Conseil constitutionnel. On pourrait étendre ses pouvoirs, puisque effectivement, le juriste qui est du côté du FN, Pierre Gentilet, disait qu'il y a plein de pays qui font sans Conseil constitutionnel. Oui, mais justement, sans Conseil constitutionnel, c'est une façon très... Enfin, c'est comme ça aussi qu'on a un pays qui sombre très facilement dans le fascisme. Donc on pense à ce Conseil qui aurait ses pouvoirs étendus, renforcés, et à être plus exigeant avec ses membres, puisque le Conseil de la Ve République, on a des gens qui n'y entendent pas grand-chose en droit constitutionnel, qui sont pas vraiment compétents dedans, ou qui ont des conflits d'intérêts, comme on l'a vu avec la réforme des retraites, en fait, des conflits d'intérêts qui étaient nommés par le président de pouvoir en place, et qui derrière a voté ce qui leur arrangeait. Oui, c'est une très bonne chose de parler du Conseil constitutionnel parce que comme les gens sont nommés beaucoup plus qu'élus, on est quand même sur une problématique en France dont il faudrait se dégager, manifestement. Merci Morgane de nous préciser ça. Alors, effectivement, on ne peut pas préjuger de ce qui va se sortir de l'Assemblée constituante, mais est-ce que tu as regardé si les Français sont plutôt favorables ou pas favorables à la 6e République ? Non. Ça, je ne me souviens pas, mais je sais que ces différents camps s'annoncent favorables. Bon, évidemment, Mélenchon. Pendant un temps, Marine Le Pen disait aussi 6e République. Bon, maintenant qu'elle a eu un grand tutoriel sur comment être très autoritaire avec la 5e par Macron, si ça se trouve, elle va penser que c'est intéressant. Il me semble que quand même, pas mal de Français qui sont fatigués de la 5e République et à voir la façon autoritaire et brutale qu'a notamment Macron de tendre les institutions. Oui, effectivement, il y a une... Enfin, sauf que la 6e République, c'était quand même quelque chose qui était très, très en vogue les 90-2000. Je me souviens de Montebourg. Montebourg avec Mélenchon. Tout le monde avait son projet de sa 6e République dans sa serviette, quoi. Ah oui. Et depuis, c'est quand même un peu le soufflet un peu retombé, quoi. On en parle de moins en moins. Enfin, ça revient un peu maintenant, mais c'était quand même assez discret, quoi. À partir du moment où on goûte au pouvoir de la 5e République, bon... Oh. J'ai retrouvé le chiffre un sondage de août 2023 où c'est 56% des Français qui sont pour la 6e République. D'accord. Voilà. Ouais. Merci. Tout merci, c'est clair. C'est, tout c'est clair, c'est bien comme ça. Alors, il y a une chose dont Didier, tu nous as parlé de façon tout à fait clair, avec le Front populaire, celui de 36, il y avait une mobilisation considérable. Et aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et en plus, les atermoiements, les difficultés de monter quelque chose sont en train de jouer un peu le repoussoir pour les Français. Qu'est-ce que tu en penses ? En 36, il est clair que sans les mobilisations populaires, justement, des mouvements sociaux, bon, il y a aussi la LDS qui a contribué à l'Union des Gauches, bon, il se serait pas passé grand-chose, parce que Blum par nature, n'était pas quelqu'un de révolutionnaire. Mais bon, ici, dans la période actuelle, il faudra quand même que les mouvements sociaux qui ont porté justement le nouveau Front populaire, il faudra que ces mouvements sociaux, par des grèves et par des occupations, par des blocages, que ces mouvements sociaux à la rentrée se montrent très offensifs. Parce qu'autrement, bon, de toute façon, Macron ne laissera pas d'espace politique au nouveau Front populaire. Et de plus, bon, il y aura un espèce de blocage institutionnel qui empêchera toute évolution. Donc les mouvements sociaux, et quand je parle des mouvements sociaux, c'est aussi bien les mouvements environnementaux, les mouvements démocratiques, populaires, les syndicats, les associations... La société civile a un rôle très important à jouer dans la période, bon, qui sera peut-être pas suffisant, mais en tout cas qui sera nécessaire. Et ATTAC, pour parler de notre association, organise donc des journées de réflexion stratégique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, donc c'est le 25 et 26 août, je crois, avec donc une réflexion sur disons les grandes orientations qui seront par la suite discutées en Assemblée générale extraordinaire, Assemblée générale ordinaire, donc à l'horizon 2025. Mais en tout cas, ce week-end stratégique sera là pour poser les bases d'une résistance et d'un appui au pouvoir, en tout cas d'une possibilité pour respecter la démocratie et le choix des urnes. Oui, bah, je crois qu'effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'est pas, il n'y aura pas d'actualité d'ATTAC parce qu'on est en plein dedans. ATTAC, on a soutenu dès le début le nouveau Front populaire en demandant explicitement qu'il n'y ait qu'une candidature de Front populaire dans toutes les circonscriptions. Et donc ça n'a pas forcément toujours marché, mais enfin, dans la très grande majorité des cas, ça a marché. On a soutenu le programme économique du Front populaire. On a même mis nos billes dedans, on va dire. Puisque avec quelqu'un comme Vincent Drosay, qui a quand même été très actif dans le programme, justement. Oui, ben, il est encore, je peux te dire, en contact avec lui. Bon, et donc on y réfléchit beaucoup sur ces questions-là. Et on estime effectivement que le mouvement social a une carte à jouer. Alors, à ATTAC, on a quelque chose avec d'autres qui s'appelle l'Alliance écologique et sociale, pour lequel il y aura deux journées de réflexion au mois de novembre. Je pense que ce genre d'alliance qui réunit, alors, de mémoire, le Greenpeace Alternativa, ATTAC, Et syndicat FSU aussi. Oui, le syndicat FSU, la Confédération paysanne et solidaire. J'oublie j'en oublie un. Ça m'a me fâché. Greenpeace, tu l'as dit. Oui, j'ai dit Greenpeace, non. En tout cas, on se réunit le 12 septembre à la MDA à 18h30. Oui, voilà. Donc, on va. En principe, pas avoir d'émission, sauf on fait un truc sur le rock, camarade. Ah, pourquoi pas. Bon, pas d'émission, donc en principe au mois d'août. Nous, on va se réunir en fin août, au début septembre, pour faire une nouvelle programmation de 11-12 émissions. En attendant, si vous partez en vacances, bien, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous restez chez vous, eh bien... je vous souhaite du bon repos de toute façon et on se retrouve à la rentrée. Prenez soin de vous en tout état de cause et de votre famille. À très bientôt et sur les ondes de Radio Campus qui continue de fonctionner.